Au Japon, a eu lieu récemment à Okinawa un séminaire sur les idées du tutsé à l'occasion de la nouvelle année sous les auspices communes du Conseil de liaison national japonais pour l'étude du kimilsunisme, kimjongilisme et de l'association d'amitié Okinawa-Corée. Y ont pris part le secrétaire général de l'Institut international des idées du tutsé, les membres des organisations japonaises d'études des idées du tutsé et des personnalités de différentes couches. Dans leurs allocutions, le conseiller représentant du Conseil de liaison national japonais pour l'étude du kimilsunisme, kimjongilisme, le secrétaire général de l'Institut international des idées du tutsé et autres ont parlé de la nécessité de présenter largement les idées du tutsé, idéologie directrice pour l'indépendance et la paix. Ils ont exprimé leur détermination de mener activement cette année aussi l'étude et la vulgarisation des idées du tutsé pour ainsi contribuer à la réalisation de l'indépendance et de la paix au Japon et de l'émancipation du monde.